Saint-Joseph. À la faune de la jungle, où les crandards et cingles, où les dingues jouent du flingue comme dans les western ring. Là où prône la hiérarchie de la force, où le vice prend sa source. Les quelques durcissent comme de l'écorce, on y passe tous. Les mères enterrent leurs fils pour des futilités. Fût-il été loin des subtilités, près de la réalité. Dans la précarité, la violence est une banalité. La mort devient fait divers, la fatalité. Témoin des clashs clichés, quand on développe les clichés. L'image est figée, affligeant, fauché ou futur fiché. Un flic s'excite et exécute un ex détenu sans retenue. Je perds un ami, j'aimerais que tu comprennes ma haine des hommes en tenue. Une haine continue, contenue, entretenue par ces porcs qui nous tuent. Dans ces rues gorgées de sang, les fils de Cain s'assassinent à coups de gun ou défoncent des crânes à coups de baramine. Mon premier est un monde où l'argent n'a pas d'odeur, et mon second met la haine à ceux qui y perdent les leurs. Mon troisième y était, mon second l'a tué tout à l'heure. Dans le ghetto, ghetto. C'est un monde où l'argent n'a pas d'odeur, et mon second met la haine à ceux qui y perdent les leurs. Mon troisième y était, mon second l'a tué tout à l'heure. Dans le ghetto, ghetto. Dans cet univers, les lames tranchent, rasées de près. Les carotides s'ensanglantent quand on règle pas les frais. C'est tellement très, c'est trop. Même l'ego agresse, blesse, on chlasse. Elles cachent des gilets dans leur presse, nerveuses sur les gâchettes. Elles étouffent les crosses, elles planquent le shit, l'oseille ou la coke dans les couches de leurs gosses. Elles manipulent les mecs, love, sortent qu'avec des pauvres. Elles visualisent les lobes et même les plus malins des durs sont dingues, leur go. Trop d'entre eux flinguent pour leur go. Quand elles savent pousser un négro, c'est chaud, mais y'a pas le choix. Négro, y'a pas d'autre voie. Ici c'est pute ou macro, c'est ni pute ni soumise. Et pour survivre, faut être escroc. Y'a l'embargo dans les poches des jeans et l'illégal dans le cerveau des jeunes. Tous occupés à faire du bise. On veut l'oseille pour la benz et la bitch. Plutôt que vivre pauvre, on voudrait mourir riche. Faire de la vie notre pute, salope. Premier est un monde où l'argent n'a pas d'odeur, et mon second met la haine à ceux qui y perdent les leurs. Mon troisième y était, mon second l'a tué tout à l'heure. Dans le ghetto, ghetto. Premier est un monde où l'argent n'a pas d'odeur, et mon second met la haine à ceux qui y perdent les leurs. Mon troisième y était, mon second l'a tué tout à l'heure. Dans le ghetto, ghetto. Rancune, rancœur, le cœur enlacé de barbelés, des morts qui marchent. Au comportement des cervelés, la crainte de vivre surplante la peur de mourir. Fonce dès l'alcool, arrache un sourire avant de faire vomir. Dans une gauve volée, on coule solo. La note est salée, la tôle ou pire. Une mère est pleurée, la folie atteint son summum. Le désespoir mène les hommes à oublier la paix de l'âme. On cherche la paix par l'arme hors norme. Avec du venin dans les veines, venez. Ici le salut est vénal et tout se vend, c'est Babylone. T'inquiète, m'annonce forme depuis l'époque du Blédina. Et on se goûme avant l'âge du RMI. Premier est un monde où l'argent n'a pas d'odeur, et mon second met la haine à ceux qui y perdent les leurs. Mon troisième y était, mon second l'a tué tout à l'heure. Dans le ghetto, ghetto. Premier est un monde où l'argent n'a pas d'odeur, et mon second met la haine à ceux qui y perdent les leurs. Mon troisième y était, mon second l'a tué tout à l'heure. Dans le ghetto, ghetto. Ouais, ouais. J'ai dit c'est Saint-Joseph. Ligue son maman.